بسم الله الرحمن الرحيم. في تدريبات اليوم دي غان بو اجوردي نعم. طيب فندخل في الدرس السادس عشر، لا سابعة، الدرس السابع عشر ديست. Voilà, Ders ou Tabi, et Ders Sabi. En fait, c'est une suite du Ders précédent par rapport à ce qu'on a pris comme règle que le Al-Jam Rail Al-Aqil, Hukm Al-Mufrad et Mouannas. Donc là, juste le but de ce cours, c'est d'insister sur le fait que tout ce qui en découle suivra la même règle. Mais Salam, on avait pris quoi nous au tout début du Kitab sur le Mubtada al-Khabar. On avait dit que le Mubtada al-Khabar, le Khabar, il suit le Mubtada en jouant leur nombre. Par exemple, si tu dis Mohammedun Qa'imun, c'est-à-dire Mohammed debout, Alhamdulillah, Mohammed il est Muzakkar et Mufrad, donc Qa'imun est Muzakkar et Mufrad, pareil. Et tous les deux sont marfoua. C'est la différence qu'on va trouver entre le Mubtada et le Khabar, c'est que le Mubtada, en général, souvent il va être Ma'alifa, et le Khabar il va être Nakira. Donc là c'est pareil, on va te montrer si jamais tu as un Khabar, un Mubtada qui est Jam, Ghil, Aqil, parce que le Khabar ça va être quoi? Un Mufrad Mouanna. Je tiens bien à lui. Taïeb. Al-Ikra al-Jumel, al-Mawjouda. الجملة الأولى تفضل. أبواب المسجد مفتوحة. نعم. Les portes de la mosquée sont ouvertes. Donc regarde là. أين المبتدا؟ أبواب. أيوة. وهو جمع غير عاقل. أين الخبر؟ مسجد. خبر. مفتوحة. نعم. فانظر. أجاد مفتوحة. سيكون سنتعرف. إلى مفرد مؤنث. إيه. والمسجد إلى مدخلي. إيه. ثانيا. لمن هذه البيوت؟ لمن هذه؟ وعليكم السلام. تو. بيوت. لمن هذه البيوت؟ قال ومن جاء في المسجد؟ أنا. لا لا. لمن هذه البيوت الجديدة؟ هي للمدير. هي للمدير. للمديري. يا بلا ديفو اللم. لا في اللم حرف جار فقط. هي للمدير الشركة. شركة. À qui sont ces belles maisons? Elles sont au directeur de l'entreprise. شركة c'est entreprise. Donc là, c'est quoi le shahid? L'iman hadil buyutul jadida. Al jadida. Là, il est quoi? Na'at de buyut. Donc, comme on a dit, c'est buyut jam ghayl aqil. Donc, jadida, il va être comment? Mufrad mu'anna. Il y a un nouveau, c'est la suite du dars d'hier. Du dars d'hier? D'avant-hier. Naam. Al najmu jamilatun. Les étoiles sont belles. Ena al-Mubtada. L'étoile. Un khabar. Naam. Donc comme on l'a dit, Njoum Jem Aqil. Jem Ghayl Aqil. Donc Jamila al-Khabar, il va être Mufrad Mouanna. Mais t'as dit Jadid, j'ai pas compris. Al-Buyout al-Jadid. Ouais. Jadid, c'est Nard de Buyout. Non, mais t'as dit autre chose. C'est la suite du ders, c'est-à-dire que là, comme Bouyul c'est Jamal al-Aqil, Jadida va être Mufrad Mouannas. Naam. Rabi'an. Hadihi ad-durusu sahlatun. Ces cours sont faciles. Donc là, hadihi, il est quoi? Hadihi, il est en ismu ishara déjà. Tali Arab, il est quoi? Hadihi, là, il est. Mais ايوه الدروس اللي هو الخبر أديه الدروس. هذا سالك موارد الدروس اللي هذه الدروس. الدروس تشتري هذه الدروس جمعت هذه جملة مفيدة؟ لا. فإذا ما هو الدروس؟ لبدل. نعم حسنت. والسحلة ما هو؟ نعم نعم خبر ذو هذه. طيب الجملة الخامسة. في الهند لغات كثيرة. في الهند لغات كثيرة. En Inde il y a beaucoup de langues. Et nous t'as لغات. نعم أحسنت. والخبر خبر كثيرة. نعم كانوا في الهند. في الهند لغات المبتدا مؤخر وفي الهند مبتدا خبر مقدم وكثيرة ما هو كثيرة العلماء. نعم أحسنت. جملة سادسة. Ça devait arriver. Ça fait ton innocent là. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Quand il est pas là, tu fais pas ça. C'est lui. Plus grand que toi. Aya. Andak Mohamed. Aya le couteau de musique. Non. Où sont les nouveaux livres? Ils sont dans la bibliothèque. Donc là, Aina Mahou. Aina? Non. C'est. Gadia. Ismi Sifam. La laisse Ismi Sifam Ismi Shara ou Kada. Fil Arab Mahou. Jumla. C'est un quoi? أين الكتب الجديدة؟ أين خبر مقدم؟ أحسنت. والمبتدا له؟ الكتاب. الكتب. والجديدة ما هو؟ الجديدة النحو. نعم. نعم. هذا هو الشاهد. إذن هي في المكتبة هي يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى الكتب. نعم. هي هنا في. سجست. سام مبتدا. وفي المكتبة خبر. طيب مبتدا يسمي الالف حمزه شو الالف الالف و حمزه شو الالف كم تفي جست من الهمزه كم فيهم بدا كما تكتب بدا مبتدا في حمزه شو الالف يا يا يا ان فتحه على الدال مبتدا نعم ان دم على ميم مبتدا Ça dépend de la phrase. Je te dis, Moutada ou non? Si je mets juste ça, je vais dire que ça c'est Moutada. Moutada ou non? Moutada ou non? Aïe, va. Taïeb, Sabian, Tilkas Sururu, Maksouratoun. Ces livres sont cassés. Donc, El Shahid, c'est Maksoura, Minhaif, Anaou, Khabar, le Tilka. Maksoura, c'est un Khabar, le Tilka. Et Furur, Badel. Ou est-il qu'il y a un Moutada? Saminen, As-Sa'atu. Khabar, Asfank. Moksour. Non. As-Sa'atu, Al-Yabaniyatu, Rakhisatun. Donc là, As-Sa'a, il est Moutada. Taïeb, Al-Yabaniya. Ah bon? Tu te dis As-Sa'a, Al-Yabaniya. Il est Badel. Ah bon? الساعة اليابانية يابانية في اليابان. أيوة. نعم. نعم رخيص. نعم. صفة. اليابانية صفة. ورخيصة خبر. هذه حب. Pas cher. Pas cher, ouais. Non, les montres japonaises ne sont pas chères. En fait, on comprend juste le sens. Ben c'est ça, le dialogue, peut-être à comprendre le sens, justement. Si tu arrives à situer chaque chose, le sens, il est assimilé. Inch'Allah. Adil humuru lil fallah. Ces ânes sont aux paysans. Mais là, je sais pas ce qu'il est, je vois pas le shahid avec Diam Mouanas. Il a mis le humour et il a mis le hamir. Ouais, mais ça n'a pas de lien avec le. Si, Hadihi, humour. Eh oui, Hadihi, non, ça. Hadihi. Ahsant. Donc, Hadihi, il a les moutada, le humour, les badal, le falah, le khabar. Et là, kutubu kunna ya akhawat, ya fil fasl. Voyez, donc où sont vos livres, vous les sœurs? Ils sont dans la classe. Donc hiya là, c'est hiya yarji ila kutubukunna. Adi kutubi wa tilka kutubu akhi urti. Ceci sont mes livres et ceux-là sont les livres de ma sœur. Donc là, shahid c'est hadihi kutubi. Hadihi pour des jam ghayl al-aql. Tu dis hadihi. Hadihi makatibu at-tullabi. Ce sont les bureau des étudiants. Donc, kazalik, là on dit hadihi makatib. Vous voyez, hadihi makatib. La makatib, il a aqil. Elle est la jam. Fi hadha shari'i fanadiku kathiratun. Chut. Hein? Tayyib, fauna shahid fanadiku kathira. Kathira bin haythanu na'at. Fanadik. Et la fanadik, il est quoi? Mutada mu'akhar. Ou le khabar, c'est. في هذا طيب وشارع لبدل دو هذا أفهم هذا الجمع الأخيرة هذه الفنادق مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر في هذا مقدم نعم شارع بدل إلى بدل هذا شارع وبدل كبيرة نعم دو فنادق طيب Tu fais plus bête, mais des fois tu sais pas si. Voilà. Pas grave, tu fais comme toi tu le vois, et après tu demandes et tu corriges. Mais la plupart des gens qui sont autour de toi, tu leur demandes, ils savent pas. Ils... Non, mais c'est vrai, c'est ce que je te dis. De quoi ? Ils parlent arabe très bien et tout, mais quand tu dis des règles, ils ne savent plus. Ah, mais c'est parce qu'ils n'ont pas appris. C'est ils ou. Je vais poser une question tout simple. Un mec, il est au en bac plus 8 en informatique. Il était au bled, il est venu là, c'est un Tunisien. L'arabe, il est tout simple. Je lui demande un truc tout bête avec Inna, je sais pas si c'était, je sais plus c'était Inna, c'était ça, je sais pas. Non. Ils ont pas utilisé Inna à la télé quand ils parlaient. Ça devait être la quoi, la dixième leçon du livre d'un débutant d'arabe. Ah non. Parce qu'il a pas pris l'arabe à la Wajd Talab al-Ilm. Tu vois. Ça y est. Donc, Ayyub al-Asiyat al-Atiya, ça c'est Inch'Allah, c'est le bait. غادن انا حارس دونك ما في درس لبعض غادين طيب لبعض غادين غادن ما في درس حارس دونك اجيب الاسئله الاتيه ريبوند لو كيسيون سويفونت طيب ثم يقول حول المبتدا في كل من الجمل الاتيه الى جم دونك لو دي فاز دي جمله مفيده مفرده فلو ميت ان جم مثلا الباب مفتوح فتقول الابواب مفتوحه طيب الجمله الاولى هذا قلم جديد استنوفو ستيلو مفتوحه لا لا لا الى بلوال Bah oui, il revient à Abouab. Le Khabar est sur Moumtada. Ouais, mais... Bah, il n'y a pas un autre forme de pluriel pour... Ah non, je comprends pas. L'utiliser. Bah, ça, tiens, c'est quoi ce pluriel de... Miftah. De Miftah. Non. Bah, Miftah, Maftour. Ah. Ah, Maftour, c'est ouvert. Bah, Miftah. Où est-ce que c'est طيب نعم هذا قلم جديد هذه الأقلام ما في ألف ولام ما في ألف ولام ما في ألف ولام ما في ألف ولام شفنا جام هذه أقلام جديدة ما سمعت جديدة نعم النجم النجم جميل من توربل كيف تقول نعم ذلك كتاب قديم ذلك كتاب قديم c'est un livre ancien c'est un vieux livre كيف تقول في الجمع ذلك كتاب قديم جمع Oulaïta al-Kitab. Ouh. Non, Oulaïta, c'est pour les... Ouh. La barbe va s'érisser, là. Ouh, attention. C'est quoi, Zalika? Zalika, Kitabun, Kodimun. Zalika, Kitab. Là, il n'y a pas d'alif ou l'alif. C'est Hadi? Hein? Hadi? Zalika, Kitabun, Kodimun. كيف تقول تقول مؤنث ذلك مؤنث مؤنث دونك تجي هاولا كتب لا تفهم خالف القاعده تماما كيف تجي جا بري لا قاعده جو با لوتيليزي فوالا جو با لا قاعده جي ريبورت لو مير جو با لامبلوي فاكتو كريم سؤال تهدم القاعده سي كو لا قاعده اون اوتر نوتر Pour les longs semaines là. Au moment, c'est quoi la corde sur laquelle on est depuis deux jours? Bah c'est ça, c'est leur diable. Et quoi? C'est bon, quand ça se met au féminin, c'est le truc qui change pas. Moi je veux la corde au moment, c'est quoi? Quoi? La règle générale, c'est quoi? Quand tu divises entre masculin et féminin, quoi, c'est quoi la règle qu'on a pris? Bah il y a une règle pour les rapides et les femmes rapides. لا العاقل تقول العاقل لا عاقل غير العاقل تقول العاقل بس tous bah c'est tous les mêmes en mode par exemple ils sont au pluriel ايوه mais le truc qui suit comment tu dis le on a dit le pluriel du غير العاقل c'est un féminin singulier voilà. Comment tu passes de zalika à oulaika il où le le singulier Zalika ou Laïka féminin, il est où? Non, Laïka c'est lui. Non mais justement le pluriel il reste singulier. Mais là il n'y a pas de pluriel là. Dans l'Ismichara, il est singulier là. Ce qui vient de pluriel c'est Kutub. Ouais. Ta Zalika Kitabun Qadimun. Comment tu mets au pluriel? T'as pas dit Tilka. Au tout début j'ai dit quoi? Il a dit quoi? T'as dit Haoula. T'as dit Oulaïk après Haoula. Ouais. Aïe, ouais. Donc c'est Tilkia. Et si tu me crois pas. Non. Faut Moussa Djel. Moussa Djel. T'as pas dû t'en rendre compte. Ah non, j'ai dit Haoula. T'as pas dit Nishara ou Femina Moufrat. T'as dit Oula. Haoula ou Oulaïka. T'as dit le. T'as dit le jam de Asma Ishara. Pas ah, j'ai pas entendu Hadi. Bah, j'ai bien entendu ce Michara au pluriel. Même je t'ai fait ouh, c'est une grosse tête. J'ai dit la corrida, tu veux pas l'employer, tu veux l'acheter. Moi je viens pas avec un Moufrat de moins de 9, je viens avec un jam, voilà. Alors vas-y, donne la phrase entière. Tilka, Kutubun. Naam. ذلك البيت جميل. Cette maison est belle. تلك البيوت جميلة. تلك البيوت لا يعني فلم. تلك البيوت جميلة. هذا الدرس سهل. C'est un cours facile. Ce cours est facile. كيف تقول؟ هذه الدروس القصيرة. نعم. ذلك الجبل بعيد. Cette montagne est loin. نعم. هذا المكتب مكسور. Ce bureau est cassé. هذا مسجد جميل. هذه مساجد. C'est un pluriel qui ne prend pas de tanwin celui-là. Quand même bien, Inch'Allah. هذه مساجد جميلة. نعم. مساجد جميلة. هذه مساجد. أيوة. لماذا تجي مساجد دون لماذا تنوين؟ لا يفرق بات تنوين celui-là. سأبني إن شاء الله. تاسعا. هذه ساعة رخيصة. C'est une montre pas chère. تفضل. هذه ساعة رخيصة. Comment tu dis? J'ai pas entendu. عيد. هذه. أيوة. ساعات. نعم. ساعات رخيصة. تلك الطائرة كبيرة. Cet avion est grand. Si tu veux te marbouta, fais la règle jam mounas salim. تلك الطائرات. كبيرة. نعم. هذا طالب جديد. C'est un nouvel étudiant. هذه طلاب جديد. إن الله يشهد أنك قلت هذه. هذه الطلاب. الطلاب على العقل. Ah ouais. C'est ça, pour voir si t'es réveillé. Et là, ne fait coup pas, fait trop tôt la situation. Non, je suis réveillé, mais je crois qu'on s'en fait. Il a dit Inna Allah. Quand je te prends direct maintenant, tu dis que j'ai pas dit ça. Il a même pas dit. Direct dit maintenant. Haoulaï. Toulaboun. Joudoud. Féminin, masculin. ذلك الرجل عالم كبير. أولئك الرجال. في كل موقف. عالم. علماء. نعم فطر. علماء كبار. نعم. ذلك الرجل عالم كبير. يا ليتهم يعلمون ذلك. هذا النهر كبير. C'est un grand fleuve. Ce fleuve est grand, quoi. Ce fleuve est grand. Ha, البيت. أخبار. البيت. البيت جديد. الباب. قديم. البيوت. البيت جديد. أيوة. جديد. البيت جديد. إيش في؟ Hein? Ton neuf, il disait quoi? Ah, inna al-naf al-ammaratun bisou liman rahim. Donc, attention ton neuf. Elle peut t'appeler à faire beaucoup de mal. Si on n'écoute pas trop. Al-bayt. Dans l'autre langue, c'est féminin. Mais en arabe, c'est masculin. Taïeb. Après, il a dit al-bab ou quoi? Non, al-nujum, c'est pas. Ça fait bouyout maintenant pour toi. Non, lui, il a répondu à quoi? Al-Bab. Tu as répondu Al-Bab, toi? Hein? Non. Mais l'Ibab, il m'a demandé le bab. T'as dit quoi? Hadim. Al-Buyoutou. Al-Buyoutou, Maksouroun. Al-Buyoutou, Maksouroun. Moukassouroun. Moukassouroun. T'écoutes ton nef là encore? Al-Buyout, Al-Buyout. Ah. Maksouroun. Aïe. السياراتو عندك السياراتو سريعة لا سريعة فقط سريعة والمفاجأة لماذا سيارة عاقل لا ليس عاقل الفنادق الفنادق لزوتل الفنادق جميلة القمصان جم قميص القمصان في كويسة القمصان قميص في جم دي قميص القمصان من الرياض نعم لكن هو خبر لأن اسم صعبك العقل كبار القمصان كبار طويل جم عاقل أو غير عاقل طويلة النجوم هذه طويلة النجوم النجوم جم قميص استفدت الحمد لله النجوم تنشوز النجوم جميل الأمين كما تجيك كبري بيان جلية جلية جلية إن لم يكن عندك درس نعمل عندنا الدرس إذا كان له خير فهذا ما هو ملعب هذا مسجد طيب تريد أن تلعب أي لعب في خارج أما هنا مكان يعني عبادة طيب ما دي جلية أيوة وابا جلية جلية في جاكيت كيتاف كبري جلية بس جي ربوندو جلية نعم القلم il va juste t'écrire tu vas pas comprendre fais attention là ah bon les mains d'ailleurs sont où Ah ouais, elle a fait un transfert. Ah ouais, je me suis retrouvé en galère tout à l'heure. Je te prends là. Il m'a rendu les terres, il a pris les verres. Non. Al-Qalamu. Azraq. Lakin, t'as de la chance que t'es pas tombé sur un moins de neuf. Je sais pas ce que t'aurais dit. Al-Aqlam, t'aurais dit quoi? Ahsan. Al-Abwabu. Azraq. Azraku, Azraku. Bleu. Al-Abwabu. Donc, Al-Qalamu, Azraku. Alors, je vais aller là-bas. Là, Khabar, il n'y a pas de problème. Ouais, Al-Qalamu, Azraku. Dis-moi, Azraku, Fakat. Khabar? Pourquoi tu veux mettre les problèmes? Tu mets les problèmes, c'est un art, c'est un peu un Khabar. Par exemple, Al-Qalamu, Azraku. Là, il n'y a pas de tanouin. Pourquoi? Azraku. Tout ça va venir, Inch'Allah. Il y a des noms. Il y a des mots qui n'ont pas de tanouin. Ça s'appelle l'ism al-mamnou min al-sarf. Ça va venir. Mais j'ai un trou là, je sais pas pourquoi. Quand on a fait les phrases là, je sais plus la différence entre le khabar et le nahf. Khabar et le nahf. Ça arrive des moments comme ça, ça s'embrouille, après ça redevient clair. Ouais, fi hada, fi l'hindi, لغات ايوه يبقى في الهندي كم تجي خبر مقدم. خبر مقدم ولغات مبتدا مؤخر وكثيره نعم كثير كثير في في لغات ça te montre un truc كثير في parce que là le qalam il est ma'rifa ou azrat il est nakira et là lughatun kathira les deux ils sont nakira ils suivent dans tout ça c'est al qalam azrat et t'as un khabar déjà en plus qu'il a le khabar c'était pour savoir avec d'accord فهمت وعليك السلام طيب عندك في هذا الشارع ايوه في باري فنادق كثيرة سباي سباي لا إيه خبر فقط كيف في خبر لا النعت فنادق الخبر في هذا فنادق وفي هذا أنا مش بس أعرف بس كي يدينا خبر فقط لا يدينا بس كي في فنادق اللي مع النكرة كم لي مع الفوق لي يجي après lui parce que si tu enlèves ça y a aucun souci في هذا الشارع فنادق dans ce chemin il y a des hôtels alors que là s'il serait juste ça là s'il serait juste Rabat tu t'enlèves le Rabat la phrase elle va rien dire comme ici puis je te dis fanadik kathira ça passe comme ça fanadik kathira non donc t'as pas du même opi là si je te dis fiyadal sharia kathira ça passe non. Si je te dis fiyadal sharia fanadik ça passe. Donc le tajouba mufida elle est là. T'as tes deux rakna, t'as ton mutanat ton khabar. Le reste, c'est un supplément. Donc kathira, il n'est pas khabar. Ton khabar, tu l'as déjà. Tu vois. Donc ça va être quoi? Là, ça peut être un badel de ce qu'on a pris. Ça peut être kanart de ce qu'on a pris. Puis en deux, ça va s'ancrer, Inch'Allah. Non, mais c'était clair, et quand on a fait les phrases là, ça. Là, des fois, ça arrive comme ça, t'as un coup d'embrouillement et après, il repart. Ça arrive des fois. Un tachouiche qui vient et après, ça repart. Elle aboua, mais qu'est-ce? Elle a aidé. هذا حق المواشي هذا الموتون عندك الابواب الابواب الابواب الابواب Il n'y a pas de pluriel là. Ne recommence pas. Il n'y a pas de pluriel là. El abouab, djem, el aqil. Il n'y a pas de pluriel là. On veut quoi? Un ouais, khabar? Ouais, ben justement, parce que je vais ramener un truc, une couleur moi aussi. Hein? Je vais ramener une couleur, abial, par exemple. Beida, tu vas dire. Ouais, beida. Ouais, je ne suis pas un djem beida. Non, c'est un mounna. Non, moi je te disais par rapport à abouab. C'est quoi le pluriel de. Mais c'est ça, tu veux un pluriel. Non, c'est ça que je dis. Il n'y a pas de pluriel là. Ouais, on a besoin d'un féminin singulier. On n'a pas besoin d'un pluriel. On va dire Beida. Et si ce ne serait pas un Gairou Mouakil, comment tu dis Abiyad. Bid. Bid, ça c'est pluriel de. De Abiyad. Voilà, c'est ça que je voulais savoir en fait. Mais là, tu n'as pas dit la boîte Bid. Non, j'allais dire. Tu dis quoi Abiyad ou Beida. Beida. Tu veux que le mot neuf, Moufrad. Oui, ouais. Mais c'est. Bid, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Bid, c'est le jam d'Abiyad. El Mindilu. Attends. Donc là, on a dit Beida. Beida ou El Mindil, Abdel Kadir. Je voulais mettre blanc. Khalas. C'est le cas au cacha. J'ai volé ton mot. C'est n'importe quel mot qui correspond à Mindil. El Mindilu, sérieux? Al-Mindil. Et c'est quoi le plus grand de Mindil? Manadil. Et si j'aurais mis Manadil et je veux mettre Ouas, je mets Ouas Khatoum. Ouas Khatoum. Il n'y a pas d'alif entre Ouas et le Sa. Ouas Khatoum, voilà. At-Tullabou. T'as mis quoi? Al-Mindil quoi? Sérieux. Eh? At-Tullabou, Mohamed. At-Tullabou. الطلاب ذكي كمان ذكي وفك تكنا وفك تكنا فانجم لا يفتح بدك الدنيا هات المفتاح اعطينا المفتاح الطلاب الطلاب الطلاب أيا ما تعرف نبط كلمة جم بشتيدي نبط كلمة حتى خبر شنو هو طلاب ايش ايش ملأوا من طلاب علماء طلاب علماء فبيذكر العلماء طلاب اما طلاب علماء فوق سي ان تي بو سي دي رولو سا دي رولو tu exagères là tu as mis les طلاب à niveau qui est plus que le leur non si كل عالم طالب اذا كل طالب عالما oui نعم ليس كل يعني ليس كل شيء pas كل ça veut dire il y en a quelques uns ils sont عالم ouais mais bon ta phrase il y a un élève dedans on peut la prendre elle peut porter à confusion. Il gère. Bah oui. Il veut pas me le donner. Il a juste joué, il a pas vu que j'étais là, j'ai attrapé. Il gère. Je mets quoi ici? Tout là, vous? Mujtahidun. Et c'est quoi le plural de Zaki? Askiya ou. Taïeb. Hat jam kelimat il atiya. Maintenant, on veut le plural de ces mots. Babun. أبواب. نعم بيت بيت لبسوريال بيوت نجم نجم قلم أقلام حمار حمار apparemment حمير ça peut être un jam de حمار أيضا comme il l'a mis là dans le texte mais en fait je crois qu'il doit faire les deux il doit faire singulier et pluriel apparemment c'est toi qui m'as demandé est-ce que حمير on peut. Non, mais bah, apparemment il peut être pluriel aussi. Non, c'est pas forcément le nom. En tout cas, on dirige Hmir, nous, quand on dit Hmir, il dit pas Hamir, on dit Hmir. Et ouais. Pour le pluriel. Ah, bah apparemment il doit prendre les. Ce qui apparaît, c'est qu'il prend les deux sens. Il peut être pluriel ou Adjam. Djam et Mufrad, du peu, apparemment. Hamir, et ouais. Taïb. Sarirun. Surur. Nahrun. Nam. Anhar. Sayyaratun. سيارة وسيارات نعم كلب شفاء كلب متعليف جم كلب كلب أكلاب أكلاب دي شوفك في عندي ميلي لوان في بس في قوم لوان كلب الجم كلاب كلاب avec ال نعم مد كلاب طائرة درس بحر بحار كتاب كتب قميص طلع إلى البصيرة إلى البصيرة لا هو ليه لي قميص قمصان دراجة Il n'y a pas un autre Akmisa, non? Akmisa, je ne connais pas Akmisa. Peut-être, hein, possible. Peut-être qu'il dit, je ne le connais pas. On dirait que c'est un autre mot. Comme ça, non. Darraja. Il a tenuin. Non. Andek, Mohamed. Darrajatun. Haklun. Hakul. Maman, Hakul. Eh. ليس لك هذا نعم جبل الجبال نعم et tous ces diables qu'on vient de voir c'est diables takfir ça veut dire dans le pluriel une apparence qui diffère de du singulier là هنا ayah. طيب كلمات جديدة الشركة هي انتربريز الجمع الشركات شركة c'est que entreprise نعم comment tu dis marque marque marque enfin, je sais pas comment tu dis une marque exemple, علام Adidas شركة tu vas dire شركة tu vas dire une شركة رخيص c'est pas cher. مدير الشركة c'est le directeur de l'entreprise. قميص معروف الجمع قمصان. طيب مفهوم هذا؟ تمام. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.